de ces scènes. Narsme fait sale. C'est le charme de nos chimères. Écoute bien, poteau. Hey, j'y trouve du charme dans ces chimères. Échauffe mon âme, c'est même l'hiver. Me nourrit l'esprit de pit-fit, je remets le couvert. À l'intérieur, ça bouillonne, ça trépine sous le couvert. Je voudrais te faire connaître ma vie, donc j'organise des scènes ouvertes. J'écris des vers sans rêver de leur privère. Sous la lumière des lampadaires, l'inspire vers la nuit en plein air. Mes joies, mes peines dans la pénombre, la plainte serait trop longue. Alors je rappe dans la plus belle des langues. Loin de leurs tendances et de leurs demandes, même si ça ramène du monde, quel qu'en soit le nombre, on peut leur faire de l'ombre. J'ai comme fer de lance depuis la présence de cette zik dans mon existence. D'y persister, c'est ma préférence. J'fais acte de présence, mais pas dans la danse. Dans ma tête, toujours loin de leurs idées dilettantes. J'bosse soit dans l'urgence, soit dans l'attente. Le doigt sur la détente, j'rappe avec un texte sur la tempe. Comprendront ceux qui veulent entendre, en auront ceux qui veulent en prendre. Et si c'est que pour les ronds, t'as qu'à te vendre. J'ai arpenté des pentes, c'est pas que pour la fierté de mes potes. J'dois y laisser mon empreinte et y péter des portes. Te cause antérieurement comme tant de peurs sans nos berceuses. Le temps est une perceuse et le cœur chiale intérieurement. J'ai le mal de mes illusions jusque dans la moelle osseuse. Me pose au calme sur une causeuse, te cause de l'âme sans dérision. L'horizon arrose ma trentaine sans potion de jouvence. Peu de notions sur la mouvance. J'enregistre en quarantaine quelques beautés dans mon sinistre. Quand le souci fait grève ici, n'ai jamais eu le rêve d'être aux côtés de vos ministres. Poursuivi sans trêve par des fous rires impérissables, par la sève d'une vie brève, source de fous rires intarissables. Au pas de course on se prépare à changer notre idylle. Sous la grande ours on se sépare, on a rangé nos crocodiles, nos délires d'incompris. De la cour à son deuil, parcours les feuilles de mon recueil et les relire n'a pas de prix. Rien d'un nerveux, rêveur, morveux tout au pire. Galérien sans empire qui sans saveur passe aux aveux. Tous mes meilleurs vœux aux ex-camarades, ex-complices. Ces rimes, ma paradocalise d'ailleurs les pourvois à qui le veut. Pas de larmes amères quand voit le cheveu qui grisonne. Juste en moi cette voix qui résonne comme le charme de mes chimères. Arrête ton charme, parle pas de ton car à part ton sbar. Je mets une recale aux chimères, très peu pour moi, cimère. J'ai pécho une caisse claire, on a fait des sauts morts. Maintenant je casse clair, pollué de ma ville. Allez poteau, passe l'herbe, on va rapper, on va casse d'elle. Je suis rentré comme une cassette dans un Walkman dans le hip-hop. Beat Street 1-8, c'est ma souche, mon rap, mon joint à la bouche. J'ai les défauts d'un bâtard, moins le droit de te faire la morale que de te mettre une patate. Que ce soit la belle endormie, comme sur une drame sur la 4 ou sur la 2 sous les arcades. En fond de case ou en studio en locate. Plus rien de neuf que de l'occasion. De ma conscience je suis l'otage. Avec Nasme noir si des pages, pas bon qu'à remplir des massas. Je laisse une trace de mon passage. Pas la pompe passer la pommade. Je suis pas dans un salon de massage. Pas attendu la technologie pour pratiquer le partage. Je suis le parpaing, je suis partout. En vrai je suis au marquage. Genre de mon tunnel, genre de ma cage. Et sur les murs de ma vie mon nom en grand s'étale. Je trouve que la France est pâle. Du hip hop dans l'encéphale. Celle-là c'est pour fait sale.